Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, la dernière réussite d'Alain René. Marguerite n'avait pas prévu qu'on lui volerait son sac à la sortie du magasin. Encore moins que le voleur jetterait le contenu dans un parking. Quant à Georges, s'il avait pu se douter, il ne se serait pas baissé pour le ramasser. C'est parti ? Je suis pas un éducateur, je suis pas un copain. Je suis juste un gars qui est là et qui dit aux jeunes qui se pointent « Salut mec ». Ok. On est à combien là ? Alors, les herbes folles. Les herbes folles, oui. Alors certains disent la mauvaise graine, c'est facile. On a tous fait des conneries et on a tous besoin, un jour ou l'autre, d'avoir quelqu'un en face de soi qui dit « Salut mec ». Mec, salut mec. Salut un mec. Un mec qui dit « Salut ». Salut mec, salut mec, salut mec. Ok. Jusque là, on n'est pas du tout en train de parler des herbes folles, du nouveau film d'Alain René. Ben non, pas du tout, pourquoi ? J'aurais dû ? Oui, c'est le sujet. Je sais plus en plus combien ça fait normalement. C'est 1 minute 30 une annonce de cinéma ? Ah ! Voilà, c'est une bande-annonce de cinéma. Vous êtes dans une bande-annonce. Ah, c'est chouette ! Alors, Les Herbes Folles, le nouveau film d'Alain René. On en parle avec notre invité. Une pléiade d'acteurs, André Dussolier. Ah oui ! Sabine Azéma. Ah oui. Le Nicolas, oui, tout le temps. Oui, c'est chouette ! Sympa. Les Herbes Folles, un film d'Alain René, prix exceptionnel du Festival de Cannes 2009 avec une pléiade d'excellents comédiens, un DVD Studio Canal.